C'est lui qu'il faudrait commencer, mais gêné. OK, je commence. Daniel Kemp, sur les valeurs sans valeur. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Michel. Qu'est-ce que c'est une valeur? Une valeur, c'est de valeur, mais c'est ce que les valeurs recherchent. Les valeurs recherchent les valeurs. Puis si les choses n'ont plus de valeur, ben il n'y a plus de valeur. Ça commence en rond, hein? Vois-tu, les valeurs, c'est quelque chose dans quoi on met notre importance, qu'on met de l'énergie pour essayer de conserver ou de cristalliser la forme de la chose. C'est une valeur. Alors, on a des valeurs qui sont matérielles, des bijoux, on leur attache de l'importance, donc ça a de la valeur. L'argent, c'est-à-dire la forme monétaire, la forme de l'argent, on lui attache une importance parce qu'elle représente toute la matière qu'on peut se procurer avec, donc ça devient une valeur. Mais c'est pas ces valeurs-là qui ont pas de valeur. Parce que ces valeurs-là ont la valeur qu'on veut leur donner, hein, c'est à votre choix, mais ils ont aussi une valeur qui est énergétique, qui est évidente. C'est-à-dire que l'argent, si tu graches sur l'argent, tu graches sur un don divin. Tu craches sur une énergie qui est créatrice puis qui est extraordinaire. Bon, par contre, vouloir posséder cette énergie-là d'une façon, prendre de l'énergie d'un autre pour pouvoir te l'accaparer, donc voler ces valeurs matérielles-là, ben l'énergie de la créativité, donc l'énergie, disons, de l'argent pour l'instant, c'est l'énergie qui est donnée à tout le monde. Sauf que toi, si tu la cherches partout où elle n'est pas, bien évidemment, tu la trouves pas. Si tu la cherches là où elle est, tu la trouves. Mais voler cette énergie-là, c'est simplement prouver que tu n'as pas confiance en rien, puis tu es obligé de te forcer à t'accaparer. Merci. Tu es obligé de te forcer à t'accaparer de l'énergie d'un autre, parce que toi, tu n'as pas confiance qu'à un moment donné, tu vas être capable de l'avoir. Mais les valeurs sans valeur, c'est pas cela. L'argent, ça a une valeur, disons, quand on n'en a pas, on n'en a pas. C'est la valeur psychologique qu'on attache à l'argent qui est peut-être sans valeur. C'est-à-dire que, justement, moi, si je suis malheureux parce que j'ai pas d'argent, ben c'est moi, toute l'énergie que je pourrais prendre pour pouvoir réussir à m'avoir de l'argent, pour pouvoir réussir, disons, à pouvoir exprimer ma créativité. Parce que l'argent nous sert à quoi? Elle nous sert à manger, elle nous sert à s'habiller, elle nous sert à nous loger. Autrement dit, elle nous sert à nous sécuriser. Et une fois qu'on est bien sécure, elle nous sert à pouvoir exprimer notre créativité. Je peux voyager, je peux apprendre, je peux aller au cinéma, je peux faire des peintures, je peux construire des choses. Je peux donc créer. Alors, une fois que je suis rassuré. Bon, alors, la valeur de l'argent, bon, ça, tant qu'elle a une valeur de sécurité, bien évidemment, c'est une valeur, ça, la sécurité qui est sans valeur. Pourquoi sans valeur? Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas rien faire avec une valeur comme ça. Avec l'argent qui a une valeur, disons, réelle, ben, tu peux bâtir, tu peux acheter, tu peux faire une maison, tu peux avoir un chalet, tu peux envoyer tes enfants dans une école spécialisée, tu peux, toi, faire certaines choses. Mais si tu mets comme valeur sur l'argent juste la valeur de sécurité, ben, tu vas avoir 5 000 $ en banque et puis tu ne seras pas sécure. Tu vas avoir 10 000 $ de plus, ben, tu ne seras toujours pas plus sécure. Tu vas avoir, toujours en avoir un peu plus parce que tu ne veux pas retourner à l'état où tu étais avant. Donc, si je suis rendu à 50 000 $, ben, prendre 10 000 $ puis acheter, je sais pas moi, un auto à ma femme, ben, là, je me ramasse à 40 000, puis 40 000, ben, ça me tente pas de retourner là tout de suite. Fait qu'on se met tout le temps, bon, quand j'aurai 100 000, mate, correct. Quand t'arrives à 100 000, tu vas remarquer que t'as autant de misère à dépenser 1 000 $ que tu n'avais quand t'avais 6 000. Peut-être même, tu vas en avoir plus de difficultés. Alors, ce qui fait que la valeur de sécurité qu'on met sur l'argent, c'est une valeur sans valeur. Pour la simple raison qu'elle te sert à rien. Tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va t'empêcher de pouvoir te servir de cet argent-là. Et puis, de mettre toute une énergie en banque pour pouvoir la stocker en prévision d'un avenir possible que tu vas reculer au fur et à mesure que tu vas te rapprocher de cet avenir-là, ben, c'est ridicule. Alors, ce qui fait que si tu as une certaine, par exemple, tu te sers de l'argent un peu pour te sécuriser, ça va. Disons que dans l'état psychologique évolutionnaire de l'homme, c'est adéquat encore. Mais il vient un moment donné où tu dois te brancher sur quelque chose. Tu as besoin de la valeur monétaire que pour te sécuriser, mais là, tu vas voir que tu as besoin des valeurs humaines pour te sécuriser, que tu as besoin de certaines valeurs dans la matière pour te sécuriser et que tu as besoin de toutes les valeurs sans valeur, les valeurs morales, entre autres, pour aussi te sécuriser. Les valeurs sans valeur, les réelles valeurs qui n'ont pas de valeur, c'est-à-dire pourquoi ça n'a pas de valeur, c'est simplement parce que nous autres, on met notre énergie dedans. Puis en mettant notre énergie dedans, ben ça devrait nous rapporter quelque chose. Mais ça ne nous rapporte rien sauf sucer notre énergie. Alors, ce qui fait que, ben, c'est ça, hein? Ça, c'est sans valeur. Okay. Donc, une valeur en soi, c'est tout à fait relatif à l'attitude qu'on en a. Autrement, c'est... À l'importance qu'on attache à X. Autant on peut l'utiliser, autant ça peut nous utiliser l'attitude qu'on a face à... Ouais, tout le temps. À une valeur. C'est ça. Alors, ce qui fait que, par exemple, prenons comme valeur les valeurs, justement, qu'il faut étudier. Surtout, c'est la sincérité. Hein? L'amour, c'est une valeur. toutes les choses morales. L'altruisme est une valeur. La non-violence peut être aussi une valeur. Le don de soi, c'est aussi des valeurs. Le fait de ne pas compter de mensonges. Il y a un paquet de choses comme ça qui vont axer notre éducation, c'est-à-dire, par exemple, tu vas éduquer tes enfants, toi, en les forçant à ne pas compter de mensonges, mais toi, tu vas leur en compter plein de mensonges continuellement pour ne pas répondre à leurs questions. Mais, ne voyant pas ce que tu fais, tu mets énormément d'énergie dans le fait qu'eux autres doivent dire la vérité parce que toi, ça te satisfait. Et puis, tu ne vois pas du tout l'utilité de savoir si c'est bon ou non. Tu sais, il veut dire la vérité, c'est quoi la vérité? C'est ce que tu penses qui est vrai. Puis, tu peux dire la vérité, puis vu que tu peux dire des mensonges, mais toi, tu les crois vrais, alors pour toi, c'est la vérité, mais en réalité, si tu prends, tu décides que c'est une valeur absolument intouchable, justement, oui, le fait, par exemple, de dire la vérité, bien, tu te perds encore en énergie continuellement. L'une des valeurs qui est la plus dangereuse, c'est la sincérité. La sincérité, on en a besoin pour pouvoir évoluer. Il faut être sincère avec soi-même. Il ne faut pas être sincère avec les autres, il faut être sincère avec soi-même. Et puis, c'est quoi être sincère? Bien, la sincérité est de deux, peut se présenter sous deux facettes. Elle peut se présenter premièrement sous la facette personnalisée de l'ego, c'est-à-dire je suis sincère, puis je suis sincère quand? Bien, quand ce que je fais est en accordance, est en accord avec mes concepts. Alors, si moi, par exemple, je dis, quand je rencontre, par exemple, une personne d'une autre couleur que ma peau, bien, je devrais bûcher dessus. Bon, c'est un concept que j'ai. Alors moi, je me promène dans la rue, je rencontre un noir, ben, je saute dessus, je bûche dessus, je suis sincère avec moi-même. Je suis sincère. Mais c'est pas la sincérité que je vous parle. Une zone de cohérence. Ben oui, je suis sincère. Pourquoi? Parce que le concept que j'ai puis l'action que j'ai faite, ça concorde. Donc, je suis sincère. Alors si toi, par exemple, tu me dis que t'es laid, ben normalement, moi, si je suis sincère avec moi-même, ben il va dire, je suis là, j'ai ma personnalité, j'ai mes affaires, puis t'as pas rien à dire là-dessus, fait que moi, je te saute dessus, puis c'est tout. Ben, je suis sincère avec moi-même. Alors, ce qui fait que si, par exemple, dire la vérité, dire un mensonge, c'est quoi? Ben, c'est ça. Si t'es sincère avec ton concept, ben là, automatiquement, pour empêcher la culpabilisation, tu vas décider qu'il y a des mensonges qui sont justes. Puis si tu comptes ces mensonges-là, puis que toi, ben, tu t'en vas sortir ce concept-là comme quoi il y a des mensonges qui sont justes, parce que la vérité lui aurait fait plus de mal, donc je continue de mentir, ben, automatiquement, t'es sincère avec toi-même. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait est en accord avec l'idée que tu as, avec le concept que tu as. Ça, c'est une sincérité qui est bâtarde, pour la simple raison que, dépendant du concept, automatiquement, notre sincérité, on est toujours sincère avec soi-même. Tous les individus sur la Terre, ben, sont toujours sincères avec eux-mêmes. Sauf l'individu qui se culpabilise parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas en accord avec son concept. Bon, mais lui, il est plus sincère encore que ceux qui sont sincères. Sauf que là, il tombe dans la deuxième forme de sincérité. Alors, de demander à quelqu'un d'être sincère, c'est quoi être sincère? Quand tu veux que quelqu'un soit sincère, si je te dis, par exemple, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Sois sincère, dis-moi-le. C'est quoi? Là, c'est parce que je veux l'obliger, lui, à agir en accord avec mes concepts. Donc, là, il va être sincère pour moi. Alors, si vous voulez que quelqu'un soit sincère pour vous, c'est parce que vous voulez le forcer à agir selon votre conception. Là, il va être sincère avec vous. Il sera pas sincère avec lui, mais s'il est sincère avec lui, s'il vous compte un paquet de mantras pleine face, il est en accord avec ses concepts, il est sincère avec lui-même, mais pas avec vous. Alors, ce qui fait que notre sincérité, c'est quoi? Ben moi, faut que je sois sincère avec moi, puis toi, faut que tu sois sincère avec moi. Puis toi, ben on s'en fout. Tu sais, toi, t'as pas à être sincère avec toi parce qu'automatiquement, moi, je peux pas retirer de toi ce que je veux retirer de toi. Alors, vu qu'on donne comme éducation à nos enfants une forme de sincérité bâtarde de cette façon-là, et vu aussi que moi, je travaille comme ça, ben automatiquement, moi, je suis sincère, puis je peux pas comprendre pourquoi toi, t'es pas sincère. Ah oui, mais toi aussi, t'es sincère. Mais t'es sincère avec toi, pas avec moi, puis c'est normal. Mais la vraie sincérité, celle qui est juste, disons, puis celle qui est juste, c'est pas celle que vous allez décider qui est juste. Celle que vous allez décider qui est juste, c'est celle qui est en accord avec le concept que vous avez de la sincérité. Mais ça encore, c'est faux, parce que si votre concept est faux, ben votre sincérité est aussi fausse que le concept. Alors la sincérité, ben premièrement, on peut pas demander à personne d'être sincère. Pour la simple raison que demander à quelqu'un d'être sincère, ça veut dire de lui demander d'être en accord avec mes concepts. Si on lui demande d'être sincère avec lui-même, quand on lui demande une question... Oui, mais ça encore, c'est une manipulation pour que ce soit sincère avec nous autres. Ah. Tout le temps. Sois sincère avec toi, là. Tu sais que c'est pas beau quand t'as des menteries? Bon, dis-moi la vérité. C'est ça. C'est une belle forme de manipulation. Puis, à fin de compte, la personne n'est pas sincère avec elle-même, elle est manipulée. Puis pour prouver qu'elle est sincère, parce que c'est une valeur, la sincérité. Alors, pour te prouver qu'elle est sincère avec elle-même, ben, en fin de compte, elle va te dire la vérité. Tu vas l'avoir manipulé, pourquoi? Parce que tu vas avoir joué sur la valeur qu'elle place dans la sincérité. Puis comme c'est une valeur, bien, automatiquement, pour elle doit, elle, pour pouvoir se convaincre qu'elle a cette valeur-là, puis c'est une valeur qui est importante pour l'homme, bien, pour se convaincre, elle est obligée donc d'accréditer ta demande, donc de te prouver qu'elle est sincère avec elle-même en étant sincère qu'avec toi-même, avec l'autre. Alors, ce qui fait que, en te disant ça, bien, toi, tu vas vouloir me prouver que tu es sincère avec toi-même, tu vas me dire la vérité, mais en réalité, tu n'es plus sincère avec toi, tu es sincère avec moi. OK? Alors, c'est une valeur. Pourquoi c'est une valeur? Parce qu'on peut vous manipuler avec cette, valeur, avec cette valeur-là. Toutes les fois que vous pouvez être manipulé par une valeur quelconque, bien, posez-vous pas une question, c'est une valeur, puis c'est une valeur qui est sans valeur. T'es pas un bon père, t'es pas une bonne mère. Mais vous avez des valeurs, justement, là-dedans, ou ce que vous devriez être. Puis pour être ça, bien, il faut que le voisin le dise. Même s'il faut que tu battes ton enfant pour que le voisin dise que t'es un bon père, bien, tu vas battre ton enfant, comme ça, tu vas être sincère avec toi. Donc, en réalité, que le voisin. Hein? Alors, ça fait que ces valeurs-là, ben c'est ça. Si tous les fois que moi, je vais vous attaquer sur une valeur, puis ça vous frustre, ben c'est parce que c'est cette valeur-là, ben c'est une valeur justement qui est sans valeur, qui ne peut servir qu'à votre manipulation. Puis ne servant qu'à votre manipulation, ben faites-moi pas croire que c'est une valeur qui est importante. La sincérité, c'est quoi? C'est pas quand on arrive à être en accord avec nos propres concepts. C'est quand on arrive à réellement s'observer sans juger ce qui se passe, sans l'accréditer puis sans le condamner. Là, automatiquement, je suis sincère. Dans le sens que je laisse tout faire comme que c'est, puis je m'en mêle pas, puis j'observe. Bien là, ça, c'est, là, t'es sincère avec toi-même. Mais si moi, j'arrive, puis je te dis, dis-moi la vérité, toi, tu t'observes, puis tu dis, ben non, je dis pas la vérité. T'es sincère avec toi-même. Mais moi, j'essaie de te convaincre que t'es pas sincère avec toi. Parce que tu as un concept qui te dit de temps en temps de dire la vérité. Enfin, le concept te dit surtout que les autres devraient te dire la vérité. Hein, c'est plutôt ça. Alors, ce qui fait que la valeur... Là, c'est un exemple de valeur que je donne, mais quelle que soit la valeur, c'est-à-dire que quand on a une valeur, c'est quoi? C'est parce qu'on attache une certaine forme d'importance à un concept, et puis vu qu'on met de l'importance dans le concept, automatiquement, ça a de la valeur pour nous. Quelque chose qui va renforcer cette valeur-là, c'est le fait qu'une valeur, par définition, il y a une communauté autour de toi qui lui attribue la même... Oui, c'est tout le monde, exactement. C'est tout le monde, de toute façon, l'homme de masse réfléchit en masse, alors ce qui fait qu'automatiquement, puis quand je dis en masse, ça ne veut pas dire beaucoup... ce qui veut dire que ton individu, justement, si tout le monde y croit, ben lui, il croit. Alors, si moi, je dis que l'été, quand il fait soleil, on devrait être à l'extérieur, puis on devrait se faire griller au soleil, on devrait prendre de l'air, on devrait prendre des énergies du soleil, justement, puis toutes ces choses-là, ben automatiquement, si tout le monde se met à faire ça, ben ça se devient une mode, disons une mode psychologique, pas une mode dans le sens de l'habillement. Pour certains, c'est aussi une mode psychologique. Ça a une valeur incroyable, le fait d'être à la mode. Pour certains jeunes, justement, à un moment donné, ça devient une valeur. À ceux qui en souffrent, s'ils peuvent pas, s'ils rencontrent pas cette valeur-là, c'est une autre valeur sans valeur. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que si ça devient une mode, disons, psychologique ou encore une mode spirituelle, il y en a plusieurs. Jeûner, par exemple, qui est une mode qui a été longtemps une mode spirituelle. Le fait d'être végétarien qui a été une mode spirituelle. Et puis, ces valeurs-là, c'est-à-dire que moi, je dois être végétarien, parce que sans ça, ben, je peux pas arriver à évoluer. Pourquoi? Parce que, puis là, c'est ça, tu as une valeur parce que tu fais partie d'une école de yoga ou tu as lu certains livres, et puis tu es spiritualiste. Alors, ne me touchez pas, puis moi, je suis en art. Puis en fin de compte, tu sais, t'as de la valeur pour toi, ça, c'est l'ego, et puis tu mets de la valeur sur ton idéologie, puis toi, tu travailles avec ça. Et puis, l'affaire qu'il y a, c'est que puis quand ça devient une valeur, là, il y a des valeurs qui sont basses, qu'on ne voit pas comme étant une valeur, mais c'est bien une valeur, mais ça en est des valeurs. Pourquoi? Parce qu'à l'instant même où on peut vous manipuler par ces valeurs-là, c'est-à-dire qu'à l'instant même où vous mettez de l'énergie pour pouvoir défendre la valeur, c'est que vous mettez de l'importance dans cette chose-là. Donc, l'importance que vous mettez là, c'est de l'énergie. Hein? Puis Dieu sait que vous pouvez vous mettre en colère, vous pouvez parler longtemps pour défendre une valeur. Bien, calculez ça en termes d'énergie, vous allez voir, vous en perdez d'énergie. C'est l'illusion de croire qu'on a raison. C'est exactement ça. Ça, c'est la valeur. Puis c'est des valeurs qui n'ont pas de valeur. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est que moi, je dis on doit être végétarien parce que, premièrement, quand on mange un animal, ben, automatiquement, on a son karma à payer. Bon, c'est une chose qui est réelle de par les lois énergétiques, les lois matérielles, puis les lois qui vont être vitales, les lois astrales de l'animal. C'est quelque chose de réel, ça, les végétariens ont raison quand ils disent ça. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que tu as à payer le karma de l'animal. Par contre, en mangeant un animal, ben l'animal évolue en étant mangé par un être supérieur. Donc, en partant, le karma que tu as à payer de l'animal, tu le payes juste le fait de le manger pour la simple raison que l'animal évolue. Par contre, l'homme évolue. Hein, il y a des moyennes qui se passent au niveau énergétique. Ça, c'est d'accord avec ça. Puis il y a d'autres choses avec les végétariens ont raison, c'est que les animaux, quand ils sont tués, ben s'ils ont peur, automatiquement, ils vont sécréter certaines toxines qui restent dans la viande, puis quand l'homme les mange, ben ça, c'est des toxines qui vont empoisonner le corps de l'homme. Mais c'est vrai, ça aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Juifs vont procéder à une certaine forme pour abattre leurs animaux. Un karma biochimique. Et oui. Alors ça, c'est le karma direct, c'est un karma, justement, qui est chimique. C'est vrai. Mais le fait que tu tues une plante et que tu la manges, je me dis franchement, tu tues aussi. Si c'est la raison du fait que tu dois pas tuer, ben le problème, il reste là. L'astral des plantes, t'en as un aussi. Hein? Les plantes ont moins de karma parce qu'ils ont moins de corps astral, je suis d'accord avec ça. Mais une chose qui est sûre, par contre, c'est que toi, tu ne fais que bouffer des plantes, tu ne connais pas le régime, tu vis au Québec, puis il y a une saison qu'on appelle l'hiver. Et puis, t'as pas de karma d'animal à bouffer, mais toi, t'es mec, tu gèles tout le temps, t'as le rhume, t'es malade, t'as la fièvre, t'as la grippe, ou etc. T'as de la misère à réfléchir, tu trouves plus le sommeil. Ben, c'est quoi ça sinon un karma? C'est pas le karma du bœuf, hein? C'est le karma de la valeur que vous êtes en train de payer. Alors, ce qui fait qu'il faut réfléchir continuellement. Certaines personnes ont dit c'est vrai, mais il faut être végétarien, ça veut dire qu'il ne faut pas tuer. Bon, mais les plantes, t'es-tu? Parfait, on mange des graines. Alors, on mange des pommes, et puis on va avaler les noyaux, puis les noyaux sont pas digérables par l'intestin, ce qui fait qu'ils ressortent, puis dans un engrais parfait, puis oui, c'est intelligent. Ouais, une condition, que tu fasses pas tes besoins de toilettes à Montréal. Hein? Ils pousseront pas fort les graines de pommes dans les égouts de Montréal. T'sais? Alors, ce qui fait que tu as toujours des choses, tu as toujours des raisons pour défendre tes valeurs, puis en fin de compte, ben ça fonctionne pas. Toi, tu as un corps, puis présentement, au niveau où l'homme est rendu en termes de son évolution, ben il y a bien des choses qui ne sont plus comme ils étaient. Alors, ce qui fait que ces valeurs-là, c'est quoi? C'est ridicule. Si toi, tu veux être végétarien, sois végétarien. Mais si moi, je te dis que c'est pas bon, commence pas à m'astiner, parce que là, tu mets de l'énergie dans la forme même de la valeur. Tu dois me prouver que tu as raison. Tu perds de l'énergie là-dedans. Puis disons que si tu sauves de l'énergie en étant végétarien, t'en perds tout en discutant sur le végétariste. Ce qui fait qu'en fin de compte, mange la viande, ben non, fais n'importe quoi, mais il faut dire que tu perds ton temps. OK? Alors, c'est ça qui est le problème. À l'instant même où moi, je vous astine, puis que vous m'astinez, ben c'est une valeur. Vous mettez vos énergies là-dedans, mais qu'est-ce que vous faites, là? Est-ce que toute l'énergie que vous pourriez vous garder pour pouvoir continuer à comprendre? Parce que l'évolution est énergétique. Le cerveau, à un moment donné, devient prêt à comprendre. Pourquoi? Parce que, à force de faire passer des énergies rapides à l'intérieur, des énergies électriques de plus en plus puissantes et de plus en plus harmonieuses, ben, il transforme les neurones, il transforme le système de communication inter-neurones, et puis automatiquement, ben, la personne finit par pouvoir comprendre mieux, plus vite, plus clairement, hein, puis de plus en plus comme ça. Mais si l'énergie que vous réussissez à accumuler par une diète, par une forme de respiration, par une forme d'exercice physique, par une forme de méditation, par n'importe quoi, vous la perdez toujours en canalisant ça sur des formes de colère psychologique, sur des formes d'astinade pour défendre vos valeurs, ben ça vous sert à quoi? Tout ce que vous faites, ben ça vous sert à rien. Ça vous sert à vous donner de l'énergie de plus pour pouvoir défendre plus facilement encore vos valeurs. Alors ça, on a vu ça dans beaucoup d'écoles d'ésotérisme, où justement en ésotérisme, ben les écoles n'avancent plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont en politique. Ils sont toujours en train de défendre les valeurs de l'école, les valeurs de leur enseignement, et puis l'énergie qu'ils ont accumulée par ces techniques-là, ben ils les gaspillent toutes en défense au niveau de leurs valeurs. Bon, alors ce qui fait qu'on n'avance pas, les pays aussi, à un moment donné, arrêtent d'évoluer. Ils ont tout pour, c'est génial, mais toute l'énergie qu'ils réussissent à accumuler, ils la dépensent là. Exactement comme on a vu la nouvelle loterie du Canada. Bon, alors la loterie qui perd 75 000 $ tous les semaines parce qu'elle est pas finançable, ben là, ils vont remettre bien vite, ils vont faire une loterie pour financer la loterie. C'est ce qui va arriver. T'sais? Alors pourquoi? Parce que justement, c'est que l'énergie, tu accumules de l'énergie, tu as dépensé ton publicité pour défendre ta valeur. Tu accumules 500 000 $, tu en dépenses 100 000 pour en accumuler plus. Puis là, t'en accumules 400, t'en dépenses 1 million. Puis là, t'en accumules 1 million, t'en dépenses 2 millions. Puis à un moment donné, ben, t'es toujours en déficit. Alors, quand on est intelligent, on arrive à pouvoir astiner, défendre nos valeurs, mais juste ce qu'il faut pour se garder l'énergie, faire de quoi. Mais quand on est réellement intelligent, pas d'une façon intellectuelle, donc pas intellectuant, ben, on n'a pas à s'astiner. On n'a pas à se prouver quoi que ce soit. On a juste à le faire. Si ça marche pour nous, ça marche pour nous. Si moi, j'ai deux bras, puis que je veux faire de quoi, ben, si t'as juste un bras, j'aurais beau t'astiner longtemps, tu le feras pas plus. Ce qui est bon pour moi, c'est pas nécessairement bon pour toi. Et puis, à un moment donné, quand ce sera plus bon pour moi, ce sera tout. Mais les valeurs, c'est quoi? Ben, c'est simple. Toutes les fois que vous sentez touché, ou que vous voulez argumenter, ou vous voulez défendre, ou vous voulez expliquer quand c'est pas le temps, tu sais, quelqu'un qui a rien à faire, qui peut pas digérer le lait, essayez pas de le convaincre qu'il faut qu'il boive du lait. Que c'est bon pour la santé, que ça ôte les caries, puis que ça renforce les os. Lui, il va te dire que ça fait de l'arthrite, puis que ça fait de l'athérosclérose, etc. Hein? Alors, ce qui fait que ça sert à rien. L'énergie que tu ramasses dans une technique, si tu la canalises tout au complet dans la défense de ta technique, ben la technique, c'est une valeur. Puis étant une valeur, ben une valeur justement qui elle ne sert à quoi? Qu'à te donner de l'énergie pour la reprendre après pour continuer à vivre, c'est une valeur sans valeur. En ce qui a trait à la conférence de la semaine dernière, on peut dire que c'est un frein. C'est un immense frein. Je dis toujours des immenses, tous des immenses freins. Des gros, gros freins. Mais la chose qui est sûre, c'est que en termes d'énergie, c'est un des freins. Pourquoi? Parce que dans tes valeurs, tu peux exprimer la colère. Tu peux exprimer la jalousie. Tu peux exprimer tellement de freins au niveau de ta valeur. Parce que quand je défends ma valeur, je mets tout ce que je peux. Je mets toutes mes énergies à défendre mes valeurs. Ben, c'est pour ça que ces maudites valeurs-là, c'est des valeurs sans valeur. Parce que je mets toutes mes énergies, non pas à comprendre, non pas à évoluer, non pas à travailler, mais à défendre mes valeurs. Alors, c'est absolument ridicule. C'est complètement ridicule. Puis une valeur qui est comme ça, c'est facile. Vous avez juste à regarder dans votre vécu ce que ça donne, puis vous allez découvrir les valeurs qui sont sans valeur. Puis si c'est sans valeur dans le sens que même si ce que vous faites a une importance, ça a une valeur. Mais ça, jusque-là, cette valeur-là, elle a de la valeur. Mais si vous, quelqu'un vient juste donner un petit coup, ben non, qui vient frapper un coup de masse dessus, puis que vous mettez toutes vos énergies pour défendre la valeur, ben votre valeur, là, ce qui se passe présentement, là, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Le fait de défendre notre valeur ou la valeur qu'on veut défendre? Ben la valeur sans valeur, c'est le fait de vouloir défendre notre valeur. Alors, si moi, je te dis que 5 et 5 font 10, c'est une valeur extraordinaire, toi, tu m'astines un petit peu puis que je mets toutes mes énergies pour te prouver que j'ai raison, ben c'est ça, là. Toute mon énergie n'est pas mise dans le vécu de ma valeur, mais dans la défense de ma valeur. Automatiquement, cette défense-là, je mets plus d'importance dans la défense que dans ce que je veux défendre, et c'est ça, la valeur sans valeur. C'est le phénomène dans lequel je canalise mes énergies. Celui, justement, pour défendre ma valeur. Alors, si moi, je mets de l'énergie dans ma famille, puis automatiquement, quelqu'un vient me voir puis dit que les familles ne devraient plus exister, on devrait toutes se mélanger comme ils ont en Polynésie. Puis moi, automatiquement, je commence à argumenter, je me lance en politique, puis je m'occupe juste de prouver que les familles, c'est bon. Mais si je mets plus d'énergie dans ma politique de prouver que les familles, c'est bon que j'en mette dans ma famille, mais pendant que moi, prouver que les familles, c'est bon, ma famille, elle va se défaire en arrière de moi. Alors, automatiquement, quelle est la valeur? Ma valeur familiale est peut-être bonne, mais vu que je mets toute mon énergie à défendre cette valeur-là, ça devient la valeur primordiale pour moi. Défendre ma valeur. Puis c'est ça, ma valeur sans valeur. Pourquoi? Parce que mon énergie que je pourrais me servir pour faire de quoi? Tu sais, si eux autres décident que les familles, c'est plus bon, c'est deux affaires. Si ma famille, moi, ça marche à merveille, à un moment donné, ils ne veulent pas savoir rayonner, il y en a bien qui vont s'en rendre compte aussi. Mais je me lance pas dans une forme de travail pour défendre ma valeur. Alors, quand on se met en colère pour défendre juste le fait, par exemple, que vous avez certaines votre habillement, votre manière de parler, le genre de film que vous allez voir, le genre d'hôtel que vous fréquentez, le genre de personnes que vous rencontrez, le genre de conférences où vous allez. Il y a tellement de choses sur lesquelles on vous agresse continuellement. Puis l'énergie que vous placez dans la défense, justement, pour expliquer, parce qu'on se doit, hein, on pense, on se doit d'expliquer à tout le monde pourquoi on fait de quoi. Hein? Il faut que le monde nous comprenne. Une des formes de manipulation absolument parfaite de l'homme ou de la femme, quand le couple va se parler, par exemple, là, je te comprends pas. Là, franchement, je te comprends pas. Ah, puis toi, t'es là, puis là, tu recommences. T'sais, t'as l'impression qu'il faut absolument que l'autre te comprenne. Mais l'autre, il n'y a pas à te comprendre si l'autre peut pas te comprendre. T'sais, alors toi, tu décides que tu fais du jogging tous les soirs. Là, ta femme vient te voir, elle dit, pourquoi tu fais du jogging tous les soirs? C'est bon pour la santé. Tu n'as une bonne santé. Ben oui, mais j'ai encore besoin. Là, franchement, là, je te comprends plus pantoute. Puis là, tu te sens coupable. Là, tu sais plus où aller, t'es tout faite. Pourquoi? Parce que toi, t'as ancré en toi l'impression qu'il faut que les autres te comprennent. Ben, tu me comprends pas? Non, ben, si tu veux, je te dise. Moi, je me comprends. Sinon, ça fait ton jogging. Si ça te tente d'expliquer parce que tu crois que la personne, ça peut être bon pour elle, OK. Mais tu penses pas tous les fois. Tu sais, on n'a pas de besoin d'être compris par les autres. Puis si vous avez un besoin d'être compris par les autres, c'est parce que vous-même, vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Vous demandez l'accréditation d'autrui, puis en demandant à autrui d'accréditer ce que vous faites pour que vous vous sentiez bien, bien, faites-moi confiance, vous allez vous sentir mal longtemps, puis souvent. Donc, il y aurait comme un phénomène d'insécurité à la base du fait qu'on veut toujours défendre nos valeurs? Tout le temps. Alors, vu que tu es insécure, puis vu que cette valeur-là, pour toi, elle a de la valeur, tu veux obliger la population de l'univers à y accorder de la valeur. Si toi, tu as une pièce, une chambre, tu rentres là, tu as ton crucifix, tu as ton petit tapis, tu as ton encens, tu Puis quand tu rentres, tu fais 3-4 prières, 3-4 saluts, tu te mets à genoux, tu rentres jusqu'à ton bureau, tu te lèves, tu t'assois, tu regardes à gauche, à droite, au nord, au sud, tu fumes ta pipe de Marie, bon. Là, quelqu'un rentre là-dedans, dit « Hey, Michel, il y a une bonne vue à soir. » Là, tu tires tout ce que tu as de sacré dans la face. Pourquoi? Parce que la pièce, puis tout ce que tu fais là, a une valeur pour toi. Puis une valeur extraordinaire qu'on ne peut pas violer. C'est sacré. Puis quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui a plus de valeur encore que les valeurs. Mais c'est une valeur, quelque chose de sacré. Ça crée bien des problèmes, hein? Et puis, ce qui arrive, c'est que toi, justement, parce que c'est sacré, ben tout le monde devrait, tu vas dire, me respecter. Ben quoi? J'ai ouvert la porte puis je t'ai parlé. C'est qu'il aurait voulu le faire, c'était respecter. Je t'envoie un télégramme. Tu sais? Il y a personne qui t'a pas respecté. Mais toi, tu te respectes pas. Parce que toi, tu prends toutes tes énergies pour t'en servir, pour pouvoir donner, pour manipuler l'autre, le faire travailler comme tu veux qu'il travaille. Lui, il faut qu'il cogne à ta porte, faut qu'il fasse 25 saluts, faut qu'il rentre jusqu'au bureau avec, faut qu'il fume sa pipe de Marie. Puis tout ça, tu sais, pour pas te parler. Bon, sans ça, ben l'autre, il te respecte pas. Puis toi, tu le respectes en maudit, hein, en le forçant à faire ce que toi, tu veux qu'il fasse. Bon, alors ce qui arrive, c'est que tes valeurs, c'est de valeur, mais ça n'a pas de valeur pour personne. Bon, mais ça a de valeur pour autrui quand c'est social. Alors, socialement, on doit dire la vérité. Tu vas en cours, et puis là, ben on te donne une Bible, et puis là, ben là, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dites « je le jure ». Ben, je le jure. Tu sais? Puis dans la Bible, c'est écrit qu'il faut pas jurer sur rien. Et tu jures sur la Bible. Alors, c'est quelle valeur, ça, là? Ça a la valeur que l'homme veut bien donner. Ça a juste cette valeur-là. Mais si toi, tu dis « ben moi, je jure pas là-dessus, moi, je prends la Bhagavad Gita », c'est... Là, le juge, il saura plus. Là, ils vont faire une enquête pour voir si t'es réellement un adepte de la Bhagavad Gita, si t'es un disciple de Krishna ou quelque chose dans le genre, pour savoir si ça a de la valeur pour toi de jurer sur la Bhagavad Gita. Parce que si ça n'a pas de valeur, tu vas nous compter un paquet de menteries. Mais ce qui est amusant, c'est que vu qu'on croit socialement que jurer sur la Bible, ça a de la valeur, on vérifie pas si le criminel, lui, qui a tué, a de la valeur. Il calcule que la Bible a de la valeur. On le fait jurer dessus, puis après, il peut nous dire n'importe quelle menterie, ça change rien. Bon, ça devient une tradition maintenant, mais ça a de la valeur, on doit commencer un procès comme ça. Pourquoi ça a une valeur? Puis si toi, tu le fais pas, c'est outrage au magistrat. Bon, pourquoi? Parce que le magistrat, ben, la loi décide si ça a de la valeur, puis toi, tu dois donner de la valeur à ce que les autres pensent que ça a de la valeur. Bon, ça, c'est la société. Mais c'est la société, pourquoi? Parce qu'on est comme ça. Moi, ce qui a de la valeur pour moi, vous devez y faire attention. Si je me fous de mon char, ben t'arrives avec tes sacs Stamberg, tu peux les mettre sur mon capot, ça me dérange pas. Si tu m'agrandes un peu à peinture, c'est pas grave. Mais si mon char, tous les jours, je le lave, je le frotte, je le sais, j'essaye toutes les nouvelles cires qu'on me présente à la télévision, puis t'arrives avec ton sac Stamberg, tu le mets là-dessus, tu vas voir que moi, te causer dans le casse. Pourquoi? Parce que ça a de la valeur, puis tu devrais respecter mes valeurs. Même si tu connais pas mes valeurs, tu devrais les connaître puis les respecter. De toute façon, la première loi de la loi, c'est que ce n'est pas une excuse de ne pas connaître la loi. Alors, ce qui fait que si vous faites un délit, ben vous pouvez être reconnu coupable, puis « Ah, ben, je ne savais pas. Ah, la loi a changé hier, puis c'est dans la loi que c'est pas une excuse de ne pas connaître la loi. » Ben oui, parce que la loi représente nos valeurs, elle représente notre psychologie. Toi avec, c'est la même chose. Moi, je rentre dans la chambre. « Ah, excuse, je savais pas qu'il fallait que je cogne, puis que je rentre jusqu'au bureau, puis tout ça. » C'est pas une raison. Tu vas crier, tu vas brouter, tu vas péter, tu vas tout faire. Mais une chose qui est sûre, c'est que la personne, même si elle dit qu'elle savait pas, c'est pas une raison. Ça, ceux qui ont des enfants, vous pouvez voir, quand vos enfants vous le disent, mais je savais pas. C'est une bonne raison, ça. Ah, ben, il sait, là, ouais. Puis il va savoir, puis la prochaine fois, hein. Vous le punissez pareil. Comme la loi fait. Pourquoi? Parce que vous avez des valeurs, vous mettez de l'importance quelque part, et puis vous prétendez que tout le monde devrait accorder l'importance que vous accordez à ça. Parce qu'elle a de la valeur. Mais toute l'énergie que vous pouvez canaliser par ce schéma de valeurs-là, parce que les valeurs, c'est-à-dire ce dans quoi on met de l'importance, c'est pas néfaste. Ça peut être très néfaste, mais c'est pas toujours néfaste. Hein? Ça peut être bon, ça peut nous amener de l'énergie, ça peut nous bâtir, ça peut nous construire. Mais toute l'énergie que ça nous amène, si on la perd toute en frivolité, en défendant ces valeurs-là, ben tort, vice, à quoi ça vous sert, ces valeurs-là? Allez donc voir des films à la place. Ça va être bien plus pratique, puis vous allez moins crier. Dans ce sens-là, pourrais-tu nous parler un petit peu, c'est quoi l'intelligence derrière une valeur, s'il y en a? Oui. L'intelligence, il y en a une, mais c'est pas l'homme qui la place. C'est-à-dire que l'homme n'a pas encore l'intelligence qu'il faut pour voir ce qui doit être vu. Alors, automatiquement, l'homme a, par contre, la capacité astrale et intellectuelle de pouvoir essayer de construire ce qui devrait être vu. À partir d'une perception. Puis une perception, c'est quoi? Ce n'est pas une vision. C'est une vision, disons, à travers un brouillard. Donc, à partir d'une perception de la chose qui doit être vue, ben l'homme va prendre les éléments, il va construire ce qu'il croit être la chose, puis automatiquement, ça devient un concept, puis ça, on y attache une valeur, parce que c'est avec ça qu'on va cheminer pendant un bout de temps. Alors, c'est intelligent. L'intelligence permet à l'homme de se construire des formes, c'est-à-dire que vu que tu as la capacité de construire des valeurs, automatiquement, tu as certaines formes d'énergie intelligente qui vont descendre en toi, juste la dose que tu peux prendre. Jamais plus, parce que sans ça, c'est dangereux. Et cette dose-là, elle est dosée par l'ajusteur de pensée, elle est dosée par l'intelligence elle-même, et puis toi, tu as juste la dose que tu as besoin. À partir de cette dose-là, tu te crées un maître dans l'astral, tu te crées un maître dans le vécu, tu rencontres un guide de lumière, tu rencontres un extraterrestre, tu rencontres n'importe quoi. Ça a de la valeur pour toi. Mais ça, c'est pas nécessairement une farce. Ça peut être manipulateur d'une façon incroyable si c'est juste astral, mais ça peut être une apparition astrale guidée par l'intelligence. Alors, il y a certains individus qui ont des guides de lumière, qui ont... C'est ce qu'on fait habituellement, mais pas toujours. Le plus grand ennemi de nos valeurs, ça va être nous autres, à un moment donné. Et puis, si nous, on met le plus d'énergie encore à essayer de nous ramener, de nous garder à nos traditions, donc à nos valeurs, bien là, c'est encore plus terrible. Autrement dit, à un moment donné, vous vous décidez que la religion X, elle n'est plus bonne pour vous. Bon, alors, le premier pas va être, ouais, mais d'un coup, c'est pas vrai. La culpabilité enseignée par les religions. Le deuxième pas va être, bon, ben, c'est simple, la religion, c'est pas bon. Alors, c'est pas bon pour personne, c'est pas bon pour vous. Ça, c'est encore un phénomène religieux. Vous allez vouloir convertir les autres, que c'est pas bon. Mais, quand on a vécu longtemps, puis plus on est âgé, puis qu'en plus on est âgé dans l'événement qu'on a vécu, je veux dire par là que si tu n'as que 10 ans, mais ça fait 10 ans que tu vis dans un événement, tu es âgé pour l'événement. Alors, si tu as 50 ans, ça fait 10 ans que tu vis dans l'événement, c'est la même chose. Plus on a vécu de temps à travers un événement, donc dans une religion, dans une école, avec une forme de morale, de psychologie, avec des valeurs sans valeur qu'on connaît, auxquelles on mettait une valeur. Alors, plus on a vécu longtemps, plus ça va être dur pour l'individu de pouvoir se retourner, regarder tout ce schéma-là, puis de dire « c'était bon, c'était bon, donc c'est plus bon ». Là, il fait une coupure, il vire de bord, puis il continue. Mais l'individu va avoir de la misère. Alors, automatiquement, l'individu va essayer, dans les premiers temps, de pouvoir essayer de s'expliquer, de se convaincre que ces valeurs-là, ben voyons donc, si j'ai passé 10 ans à y croire, c'est pas parce que c'est mauvais. Alors là, tu essaies toute l'énergie que tu as accumulée pour pouvoir faire le bon, pour pouvoir changer, hein, pour pouvoir abandonner ce qui était bon, mais qui est plus bon. Tu as pris tout ce qu'il y avait sur une marche, tu as l'énergie qu'il faut pour monter une marche. Pour au lieu de t'en servir pour monter une marche, tu t'en sers pour te convaincre que la marche est bonne. Fait qu'évidemment, tu restes à la marche. Puis là, tu dis, j'avais raison. Mais tu n'avais pas raison. Toute l'énergie que tu avais pour sauter de marche, tu l'as perdue à vouloir rester sur la marche. Là, tu n'as plus pour sauter de marche, tu es dessus, puis tu penses que c'est la preuve, fallait que tu restes dessus. Ben oui, c'est ça, être manipulé. On n'est pas manipulé par du monde qui te prenne, puis qui te bouge, puis qui te tripote, là. Un petit peu, par l'astral psychologique, l'astral planétaire, mais c'est pas le gros manipulateur. C'est nous autres. C'est notre incompréhension qu'on a de nous autres, puis de tout. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que tu peux vouloir mettre toute l'énergie que tu vas acquérir. Exactement comme, mettons, ce soir, vous apprenez quelque chose, vous comprenez quelque chose de par vous-même, vous êtes énergisé, vous sortez d'ici, puis il y a quelqu'un que vous rencontrez qui vous dit, qu'est-ce que tu fais là, ce qu'on fait à Daniel Kim? C'est complètement flyé. Tu serais bien mieux venir avec nous autres. Nous autres, on attend les extraterrestres. Bon, tout est là. Ben voyons donc, là, tu commences à argumenter pour expliquer au gars que je suis pas flyé. Mais tu veux expliquer par là que toi, t'es pas flyé de venir me voir. Bon. Évidemment, tu te défends en mettant moi parce que c'est plus facile. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Là, t'es en train de prendre toute l'énergie que tu as pu acquérir ce soir de par toi-même, de par tes vibrations, vibrations de la salle, de tout le monde. Toute cette énergie-là, qui va être extraordinairement bonne pour toi, parce qu'elle émane de tout le monde ici, elle émane de ce qui se passe ici. Et puis, l'énergie qui va t'aider, tu la prends puis tu la mets toute dans la face du gars. Et moi, à la place du gars, je serais content parce que moi, je n'ai pas ramassé de l'énergie, je rencontre un gars puis il me la donne toute. Après ça, le gars s'en va, il est vidé, il est tout nu. Puis moi, je suis encore plus convaincu de mon affaire parce que j'ai encore plus d'énergie pour être convaincu, toute l'énergie que l'autre, il m'a donnée. Bon. Alors, ce qui fait que, c'est ça, quel que soit ce que vous faites, vous lisez un livre, quelqu'un vous dit qu'il est plate. Est-ce que vous êtes obligé de prouver à l'autre que le livre n'est pas plate pour pouvoir prouver que vous n'êtes pas un gars plate et pour pouvoir vous expliquer? L'autre, il comprend pas pourquoi vous lisez des Astérix de temps en temps. Mais ça le regarde-tu, ça? S'il veut pas comprendre, moi, ça me relaxe. Puis de temps en temps, j'aime ça. Puis lui, il aime pas ça, puis après. Moi, je m'en vais pas le forcer à lire mes Astérix, puis lui, il faut pas... Pourquoi faudrait que je lui explique? Pourquoi faut continuellement que je perde toute mon énergie accumulée puis que je la dépense sans cesse pour expliquer pourquoi j'accumule de l'énergie? On n'accumule pas de l'énergie pour pouvoir s'en servir pour expliquer pourquoi on l'accumule. C'est ça, les valeurs sans valeur. Alors, quelle que soit la valeur, quand elle est sans valeur, c'est quand vous placez de l'énergie pour la défendre. Quand vous placez de l'énergie pour défendre une valeur, elle est sans valeur. C'est sans valeur, puis c'est carrément sans valeur. On a bâti des... On a fait des libérations de pays, vous allez nous dire, justement, en défendant nos valeurs. C'est pas pareil. Les valeurs qui ont été défendues, par exemple, pour libérer les esclaves qu'on a eus aux États-Unis avant la guerre de sécession, puis pendant la guerre de sécession, c'est qu'on n'a pas argumenté sur le fait qu'il faudrait défendre. On a défendu. On a libéré une race de l'esclavage, on n'a pas argumenté sur le fait qu'il faudrait la libérer. Et ça, il y a une bonne différence, c'est que l'énergie accumulée pour pouvoir faire de quoi a servi à ce qu'elle devait faire, pas à argumenter là-dessus. Alors, c'est que c'est bien différent. Les personnes n'ont pas défendu leurs valeurs. Les personnes ont vécu leurs valeurs. Et ces personnes-là l'ont vécu, puis ça leur a donné un résultat. Mais si ces personnes-là auraient passé leur temps à vouloir défendre leurs valeurs, c'est-à-dire que, oh, moi, je suis pour la libération à cause que... C'est ça, défendre ses valeurs. Là, la valeur est sans valeur. Elle ne sert à rien. C'est pas ça que tu fais. Toi, tu es pour l'esclavage. Tant pis, c'est pas grave, ça me dérange pas. Moi, pendant ce temps-là, ce soir, je m'en vais puis je m'en vais libérer. Tu sais, tu vas pas compter ça au gars, toi, t'agis. Moi, j'ai une valeur, puis toi, t'en as une qui est opposée à la mienne. Exactement. Alors, si on perd nos énergies à se défendre, ben c'est ridicule. Pourquoi il se passe rien? Puis toute l'énergie qu'on accumule, nous autres, en tant qu'entité humaine évolutionnaire, ben, on la perd continuellement pour prouver aux autres qu'on a raison de faire ce qu'on fait. Mais vous n'avez pas raison de prouver aux autres quoi que ce soit. Vous perdez tellement d'énergie là-dedans, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Alors, ce qui fait que, quelle que soit la valeur, elle est sans valeur à l'instant même où vous prenez de l'énergie pour la défendre. Puis si on la défend avec succès, on s'enferme dans l'illusion qu'on a encore plus raison parce qu'on a l'impression d'avoir eu raison. Exactement. Mais tu ne vis toujours pas plus ta valeur. Tout ce que tu as plus d'arguments pour pouvoir défendre encore plus la prochaine fois. Puis il y a un moment donné où tu défends, tu gagnes. Tu crois gagner, mais en réalité, tu fais que manipuler l'autrui, mais ça change rien dans le pas évolutionnaire de l'homme. Ça change rien. Tu freines l'évolution des autres en les convainquant. Faut que l'autre comprenne. Faut pas que l'autre soit convaincu. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ben, à force de convaincre, tu réussis à vibrer tellement dans l'énergie de la défense de ta valeur, ben, tu peux te lancer en politique. Tu peux t'ouvrir une école. Tu peux faire des choses qui vont aider à autrui, mais que toi, ils t'aideront jamais. Tant que tu l'abandonneras pas. Parce que t'es pas dans l'expression de ta valeur, t'es dans l'expression de la défense de ta valeur. Puis ça, ben, c'est juste de l'énergie que tu perds encore là. Alors, ce qui fait que, quel que soit ce qui peut vous toucher à un moment donné, si vous argumentez, faut pas que vous vous sentiez coupable, ça c'est ridicule. C'est le temps d'observer, là, toute l'énergie. Parce qu'il y a des affaires que vous faites qui sont absolument extraordinaires, qui sont mauditement utiles pour vous. Vous vous êtes déjà demandé, c'est officiel, si vous êtes ici, c'est parce que ça vous intéresse un peu l'évolution. Vous vous êtes déjà demandé, c'est sûr, comment ça se fait que je réussis pas à évoluer vite comme j'aimerais, ou autant qu'un tel? Ou comment ça se fait que lui arrive, il est plus jeune que moi, puis il comprend plus? Je fais des travaux, j'ai fait telle chose, j'ai suivi tel cours, j'ai fait tel séminaire. Mais comment ça se fait, maudit, que moi, j'arrive pas à évoluer? Je change pas comme j'aimerais changer. Eh, c'est sûr. Toute l'énergie que vous ramassez, vous la gaspillez dans la défense de vos valeurs sans valeur. Vous la gaspillez dans n'importe quelle chose, c'est absolument inutile. Si vous allez prendre une marche dehors, si vous allez faire du jogging, vous perdez une énergie physique qui va vous être redonnée par la nourriture que vous allez prendre. C'est bon de le faire. Mais si vous argumentez au niveau psychologique, toute l'énergie que vous vous êtes servi ou que vous avez réussi à accumuler, elle va vous être redonnée lors vous allez revivre la même étape. Donc, si vous êtes venu à une conférence, vous ramassez l'énergie, ça va vous être redonné à la conférence suivante. Mais vous ne pourrez pas faire de pas. Pourquoi? Parce que toutes les fois que vous ramassez une quantité d'énergie, ben vous la gaspillez avant de ramasser une autre quantité. Alors, ce qui fait que vous n'êtes pas un accumulateur qu'on charge de plus en plus, vous êtes un accumulateur, vous êtes un condensateur. On charge, il se décharge. On charge, il se décharge. Alors, toute l'énergie que vous placez dans votre cheminement évolutionnaire, ben, vous en perdez quasiment les trois quarts pour expliquer à autrui pourquoi vos valeurs ont de la valeur, puis pourquoi vous faites ce cheminement-là, puis pourquoi, etc. Alors, c'est simple. Si vous voulez savoir pourquoi vous avancez lentement, C'est pas parce que vous êtes n'importe quoi. C'est pas parce que vous êtes... Ben, vous êtes pas prêt. Vous êtes pas prêt dans le sens que c'est vrai, vous êtes pas prêt parce que vous êtes pas prêt, vous gaspillez votre énergie. Mais c'est pas une préparation. L'idée, c'est pas de venir à 300 000 conférences. L'idée, c'est pas de lire 3 librairies ésotériques. C'est pas ça qui va vous préparer. Être prêt, c'est quoi? C'est d'avoir la quantité d'énergie nécessaire pour qu'il s'opère une transformation, une mutation dans notre psychologie, dans notre mental, dans notre physique, dans notre vital. Ça, c'est être prêt. Alors, par exemple, je donne un séminaire la semaine prochaine. Dans un séminaire, ce qu'on fait, c'est pourquoi c'est intensif, puis pourquoi que les séminaires, il y a du monde ici qui ont déjà suivi des séminaires d'une autre personne, pourquoi le séminaire transforme tant? C'est simplement parce qu'en 2 jours, vous accumulez plus d'énergie que vous pouvez en gaspiller. Alors, automatiquement, étant chargé d'énergie, ben vous comprenez des choses que vous comprenez pas normalement. C'est pour ça qu'un séminaire intensif, c'est bon. C'est juste pour ça. C'est pas parce que il y a de quoi de spécial qui se passe. La seule affaire qui se passe de spécial, c'est que vous ramassez de l'énergie. Il y a une dynamique de groupe qui se crée. Il y a une dynamique qui se crée par rapport à l'orateur, par rapport aux participants. Et puis là, vous ramassez votre marge d'énergie que vous ramassez, disons, à toutes les semaines. Mais vu qu'une heure après, vous avez une autre marche, puis une heure après, une autre marche, puis en fin de compte, ben là, on arrive à une place que là, vous êtes perdu. Vous vous trouvez plus. Vous vous reconnaissez plus. Ben, c'est normal. Vous n'avez jamais eu autant d'énergie en vous. Il y a du monde qui font les séminaires, qui vont garder de l'énergie, qui vont flotter pendant 1 mois puis 2 mois après le séminaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont une énergie. Sauf qu'on leur explique pas que maintenant, il faudrait qu'ils conservent leur énergie. Puis perdre son énergie, ben c'est ça, c'est perdre son énergie. Alors si je vous donne 1 million de dollars, vous passez 5 ans à ramasser 1 million de dollars, puis vous allez acheter 1 million de billets de loterie, puis vous perdez, c'est ça, perdre son énergie. Vous devez encore recommencer. Vous êtes pas plus riche. À un moment donné, vous avez eu de l'argent, puis vous êtes fait connaître à des places, alors vous sentez que vous avez, sinon plus d'argent, du moins une classe sociale différente. Ça, c'est le snobisme ésotérique. Parce que vous ramassez un quantité d'énergie à un moment donné, vous comprenez des choses. Mais la semaine d'après, votre énergie, vous l'avez diffusée, vous l'avez perdue. Et puis parce que vous avez compris des choses à un moment donné, ben vous vous croyez supérieur. Mais vous êtes supérieur que par votre connaissance mémorielle, que par votre connaissance intellectuelle. Autant qu'un universitaire va être supérieur aux autres. Mais en ce qui concerne votre évolution, ou votre vécu, ou votre compréhension réelle et globale de ce qui se passe, vous êtes toujours au même niveau. Pourquoi? Parce que l'énergie accumulée est dépensée immédiatement. Alors, lors d'un séminaire, pourquoi que le séminaire transforme réellement l'individu? C'est simplement parce que l'individu accumule de l'énergie pendant 2 jours. Alors, ce qui arrivait à l'époque des monastères, justement, on en a eu plusieurs aux Indes, on en a eu au Japon, on en a eu au Tibet, on en a eu en Chine, on a eu nos monastères en Occident, ben c'est que l'individu qui rentrait dans un monastère, disons, intelligent, il y a des monastères qui étaient là juste parce que tu avais commis des péchés, tu allais te faire châtier, on a besoin de main-d'œuvre humaine, fait qu'on te donnait des raisons pour venir. Les monastères où ce qu'on travaillait, ben c'est simple, c'est que l'individu accumulait d'énergie, puis on s'arrangeait pour pas qu'elle gaspille son énergie. Alors, comment veux-tu t'estimer avec un maître quand le maître t'écoute même pas? Lui, il mange son cornet, puis quand tu parles, puis il est tanné, ça les tombe dans le front, puis il s'en va. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, t'arrêtes de crier. T'essaies de comprendre ce qui se passe. L'énergie, t'en garde. T'en perds pas. On fait des conférences. On donne des séminaires. On donne de l'énergie. On fait pas ça pour que le monde l'apprenne puis qu'elle dilapide 2 jours après. On fait pas ça pour ça. C'est ridicule. Pourquoi vous pensez que plus ça va aller, plus dans l'endroit où vous allez ramasser le plus d'énergie, ben on va vous charger plus cher pour rentrer. L'argent, c'est de l'énergie. On charge 7 $ ici. À un moment donné, on va charger plus cher. Puis à un moment donné, ben il y a du monde pour qui on chargera pas. Pourquoi? Parce que l'énergie qu'on donne, elle doit nous revenir. Si vous n'êtes pas capable de la prendre, de la conserver pour pouvoir faire de quoi avec, ben vous allez devoir payer cette énergie-là. Alors vous payez pour rentrer, c'est normal. C'est pas tous ceux qui sont orateurs qui comprennent le phénomène, mais c'est pour ça que ça se passe comme ça. Alors ce qui fait que si moi je vous donne de l'énergie puis vous la dilapidez, vous ramassez un karma. Vous ramassez une dette karmique. Par contre, si vous payez l'énergie est à vous, vous en faites ce que vous voulez. Mais dans votre démarche, vous, ben vous faites rien pendant ce temps-là. C'est-à-dire que vous faites un petit pas. Parce qu'à un moment donné, vous ne dépensez plus l'énergie que vous ramassez, du moins pas dans sa totalité, mais vous dépensez pareil. Alors, ce qui fait que si on arrive à comprendre le processus, même, de conservation de l'énergie, puis les valeurs sans valeur, ben c'est ça, c'est là qu'on place les 3/4 de l'énergie qu'on gaspille. Moi, présentement, je parle. Je ne défends aucun point de vue, je parle de choses que je ne sais pas, et j'apprends, et j'accumule une énergie extraordinaire, comme vous pouvez en accumuler une. Mais cette énergie-là, je m'arrange pour la conserver. Alors, ce qui fait que la conservant, automatiquement, je reste en contact avec où je prends mes connaissances. Et étant en contact avec ça, ben, je peux continuer à parler, je peux continuer à apprendre, parce que l'énergie que j'accumule, je la dépense pas. Et puis, la majorité des individus sont presque prêts à pouvoir faire ça, mais ils dépensent leur énergie. Alors, dépensez votre énergie, on fait un séminaire. Alors, il y a des séminaires qui coûtent 300 $, des séminaires qui coûtent 200 $, dépendant de la quantité d'argent qu'on doit mettre pour la matière. Alors, c'est dans un hôtel, s'il faut manger là, etc. Mais pourquoi qu'on charge tant? Ben, c'est simple. L'énergie qui est dépensée là par l'orateur, elle doit lui revenir. Tant ça, si vous prenez quelque chose puis vous le gaspillez, vous allez payer pour. Alors, l'orateur aussi, il a de quoi, il s'en sert. Mais il ne doit pas le gaspiller, il ne doit pas le dilapider. Alors, c'est la même chose, si vous arrivez, vous payez tant. Bien, vous vous placez dans une condition psychologique pour recevoir l'énergie que vous avez dépensée pour pouvoir la recevoir. Si vous faites un trou de 200 $ psychologique, vous allez pouvoir ramasser au minimum 200 $ d'énergie en psychologie. Mais si vous pouvez ramasser plus, vous allez pouvoir même le dire, puis ça souvent, du monde l'ont dit, ça valait bien plus que ce que j'ai donné. Mais oui, parce que vous avez ramassé plus. Mais maintenant, il faut garder l'énergie qu'on ramasse. Il faut la conserver. Ça n'a pas encore été enseigné parce que l'individu n'était pas prêt à le recevoir. Mais présentement, ben c'est simple. On doit le faire. Plus l'été va aller, plus il va faire chaud, et puis plus le monde va prendre des vacances. Et plus ceux qui vont participer à certains séminaires ou conférences, pas juste les miennes, moi je parle pour d'autres personnes en plus de moi-même, ceux qui vont y aller malgré l'appel, disons, de l'été, bien, ceux-là vont recevoir des connaissances d'un niveau plus supérieur à ce qui est normalement donné l'hiver. Pourquoi? Parce que c'est normal. L'été, écoutez-moi bien, c'est important. L'été, on mange des choses plus légères. On mange plus de légumes crus et plus de fruits crus. Donc, automatiquement, notre corps physique vibre mieux, notre corps vital vibre mieux. Et en plus, on prend du soleil. On a un début d'initiation solaire, comme j'expliquais la semaine dernière, au niveau de notre physique et de notre vitalité. Donc, on est dans un état beaucoup plus apte à pouvoir augmenter notre schéma vibratoire. Et de ce fait, ben, vu qu'on a des plaisirs en plus, parce qu'on augmente aussi notre schéma astral, ben, automatiquement, la filtration réelle se fait plus facilement. Les individus viennent de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas prêts. Mais c'est l'été que doit se faire le travail, beaucoup plus que l'hiver. Parce que l'été, on est en condition physique et vitale et psychologique et mentale beaucoup plus apte pour pouvoir élever justement, notre schéma vibratoire et notre compréhension. Beaucoup plus l'été. Si je vous dis, entrer en contact avec la nature, ben c'est simple. À un moment donné, là, allez vous promener nu-pied dans le gazon, puis essayez de percevoir par vos pieds ce que c'est. Ben vous ferez pas ça l'hiver. L'hiver, ça se fait, mais vous êtes pas prête à le faire. Alors, ce qui fait que l'été, il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais les individus fuient, justement, l'endroit où ils peuvent recevoir l'énergie l'été pour pouvoir s'amuser. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent une énergie astrale, une énergie psychologique, au détriment de tout l'équilibre total de l'énergie. C'est pas parce qu'une personne va à 2, 3, ou 4 conférences dans une semaine qu'il va perdre son été. C'est pas parce qu'une personne assiste à 1 ou 2 séminaires au cours de l'été. Moi, j'en donne pas autant, mais il y a des choses à prendre ailleurs. Il y a du monde qui sont extraordinaires ailleurs. C'est pas parce qu'une personne perd, 2 fins de semaine au cours de son été qu'elle a perdu l'été. Elle va perdre bien plus la possibilité que lui donne l'énergie de l'été en faisant ce qu'elle fait depuis qu'elle est jeune, en s'amusant. Il faut faire des sports, c'est bon pour l'énergie physique. Il faut faire d'autres choses, il faut en profiter pour manger des légumes, manger des fruits crus. Pourquoi? Parce que dans le légume et dans le fruit cru, il y a une énergie vitale qui est normale, qui est à son état plein puis qui est vivante. Le fruit ou le légume cru va continuer justement à mûrir, même s'il est arraché au soleil. Mangez ça, c'est de l'énergie vitale que vous donnez à votre corps. Ça allait avoir besoin de moins de sommeil, ça allait faire de aller ramasser de l'énergie pour l'hiver. Puis il y a plusieurs choses que là, j'expliquerai pas, on est dans les valeurs. Mais manger des légumes et des fruits crus au détriment de la viande morte ou des légumes cuits, qui est mort, ben automatiquement, ça vous met dans des conditions. Et l'été, vous pouvez faire ça. L'été, instinctivement, vous allez manger beaucoup plus de tomates, beaucoup plus de pommes, beaucoup plus de melons d'eau. Vous allez manger des choses comme ça. Au lieu de boire de l'eau du robinet, vous allez manger des fruits qui ont du liquide. Ben, à l'intérieur de ce liquide-là, vous ramassez, en plus d'un paquet de sels minéraux, etc., vous ramassez de l'énergie vitale, qui est directement assimilée par votre estomac parce que c'est liquide. Hein? Alors, c'est sûr que l'été, c'est là qu'il faut qu'on fasse de quoi. L'énergie, l'initiation solaire se fait pas l'hiver. Elle se prépare l'hiver par du monde qui sont prêts à l'équinoxe, c'est-à-dire vers le 25 de décembre, 21 décembre. quand le soleil recommence à descendre vers l'équateur. Mais présentement, pour nous, ben c'est ça, c'est l'été. C'est l'été qu'il faut travailler. Fait chaud l'été, habillez-vous en conséquence, c'est tout. Laissez faire les valeurs de la mode. Laissez faire les valeurs qui vous disent que vous devriez arriver sous telle forme. On s'habille pour être en forme. On n'est pas ici pour faire un défilé de mode, on est ici pour pouvoir augmenter notre quantité d'énergie. Alors, on met tous les moyens en œuvre pour pouvoir le faire, mais c'est intelligent et utile à la condition qu'on mette tous les moyens en œuvre pour ne pas gaspiller cette énergie-là après. On n'a plus de maladie quand on gaspille plus notre énergie. On n'a plus de problèmes psychologiques. Puis, il y a beaucoup d'autres choses que je vous compte pas. Vous le vivrez, ceux qui le feront. Sans ça, je vais vous mettre juste des petits gâteaux au bout, puis psychologiquement, au niveau de votre astral, vous allez vouloir travailler pour atteindre ça. Vous allez encore dilapider votre énergie. Mais il y a énormément de choses qui se passent, qu'on recherche, mais qu'on ne peut pas trouver. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'énergie pour le faire. Si je veux courir 100 000, puis que j'ai élevé un tracteur pendant 2 semaines avant de courir mon 100 000, ben, j'aurai pas l'énergie de courir mon 100 000. Alors, même si je veux courir le 100 000, je peux pas le faire. C'est évident. On comprend ça dans le domaine de la matière. Faut le comprendre dans notre domaine psychologique, dans le domaine évolutionnaire mental et supramental. Très important. Alors, ce qui fait que, moi, j'ai un séminaire la semaine prochaine. Ceux qui peuvent être intéressés et qui se sentent prêts, ben, c'est quoi le séminaire? C'est ça. Je fais juste un petit détour. Pourquoi? Parce que c'est important. Ça explique le pourquoi des séminaires. Il n'y a pas immensément d'individus qui font des séminaires ou pas dans la province. Puis, il y en a encore beaucoup moins qui font des séminaires qui ont de l'allure. C'est-à-dire que c'est un séminaire qui est basé sur l'énergie. L'énergie, elle peut se donner de différentes façons, mais cette énergie-là, vous devez la conserver. Sinon, ben vous allez devoir payer pour. Une chose qui est sûre, c'est que quand l'individu va prendre de l'énergie, il va la conserver. Il va avoir les entrées gratuites partout où il va aller. Parce qu'il n'y a aucun conférencier qui est dans l'énergie qui va permettre que cette personne-là débourse. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas à débourser. Elle apporte plus au niveau énergétique, qu'est-ce qu'elle peut apporter au niveau monétaire. Et l'important, c'est le niveau énergétique. On n'a pas besoin d'argent quand on n'en a pas de besoin. Mais quand on a toute l'énergie pour pouvoir avoir ce qu'on veut, plus on a d'énergie et plus vous allez vous conscientiser. C'est-à-dire, la conscientisation, c'est quoi? C'est pas seulement de ramasser de l'énergie. La vraie conscientisation, c'est la possibilité qu'a l'être évolutionnaire de pouvoir conserver l'énergie. Et quand il conserve l'énergie, il n'a plus besoin de sommeil, il n'a plus besoin de manger, il n'a plus besoin de bien des choses, il n'y a pas froid l'hiver et il n'y a pas chaud l'été. Pourquoi? Parce qu'il a l'énergie nécessaire pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Alors, la conscientisation évolutionnaire humaine, c'est juste la possibilité qu'a l'homme de conserver l'énergie. C'est juste ça et ça s'arrête là. Vous ne pouvez pas conserver votre énergie, vous n'évoluez pas. Vous la conservez un petit peu, vous évoluez un petit peu. Demandez-vous plus pourquoi vous évoluez lentement, c'est parce que votre énergie sort aussi vite qu'elle rentre, ou presque aussi vite qu'elle rentre. Alors, ce qui fait que l'énergie, vous ne la placez plus dans la défense de pourquoi ou du chemin qui vous a amené l'énergie. Sinon, si vous faites ça, vous placez votre énergie et vous la placez dans la défense de votre valeur. Ça a de la valeur pour moi, alors c'est normal que je le défende. Oui, c'est normal. Fait que laissez donc tomber les valeurs de bord. Comme ça, vous allez pouvoir faire un travail qui va être réellement utile pour vous. Si vous placez 10$ quelque part, il va vous revenir en énergie. Le 10$, vous allez le ramasser ailleurs, faites-vous-en pas, puis vous allez avoir l'énergie en plus que le 10$ vous a ramené ou bien plus. Le 10$, c'est une forme. Vous placez 3000$ quelque part pour un séminaire d'un été complet dans un camp spécialement fait pour l'évolution, physique, vitale, psychologique et puis intellectuelle ou même supramentale, ben, faites-vous-en pas que l'énergie, quand on dit, puis ça, moi je le dis, puis d'autres le disent, « Ah oui, mais c'est cher. Quand tu vas être prêt, tu vas l'avoir, ton argent. » Mais c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on donne de l'énergie lors d'un séminaire, mais on ne donne pas à partir d'une base en bas. On le donne à partir d'un niveau. Alors, si tu as l'énergie de ce niveau-là, tu vas aussi avoir l'énergie monétaire pour pouvoir venir au séminaire. Et si tu l'as juste, tu décides de la prendre pour la mettre là, elle va être remise en sortant. C'est normal, en termes d'énergie, puis en termes de transformation. Puis l'énergie dans la matière vous revient aussi, l'énergie monétaire aussi vous revient, c'est une énergie. Alors, ce qui fait que, quand vous êtes prêt, vous avez ce qu'il faut pour. Tout le temps. Mais l'homme, la femme et les enfants, doit conserver l'énergie. Puis conserver l'énergie, ça ne veut pas dire de ne pas en donner. En donner, c'est en recevoir. Mais en perdre, c'est en perdre. En donner, là où il y a un trou, vous prenez un verre, il est beau le verre, Vous voulez le remplir de lumière, le verre. Mais vous allez devoir continuellement mettre de l'énergie dans votre verre pour, si vous voulez qu'il y ait de la lumière dedans, parce que la lumière sort à travers le verre. Alors, si vous avez une énergie que vous voulez la canaliser dans un contenant, dans un autre individu, dans vos enfants, dans votre voisin, dans votre patron, dans vous-même, et que vous, vous êtes transparent comme un verre, vous êtes pur, oui, on ne peut pas rien faire avec vous. Pourquoi? Vous prenez de la lumière, vous la mettez dans le verre. Quand l'énergie va pouvoir être conservée au niveau du verre, ben si vous remplissez ce verre-là de lumière, puis la lumière se conserve à l'intérieur, brisez pas le verre, parce qu'on se rapproche d'une explosion nucléaire. C'est la même chose pour l'homme. Si vous voulez donner de l'énergie, donnez-en dans un verre opaque, c'est-à-dire donnez-en quelque part là où on va garder l'énergie que vous donnez. Sinon, demandez une rétribution. L'énergie, vous l'aurez pas, gaspillée, vous allez l'avoir transformée. Donc, au point de vue énergétique, les valeurs, c'est un siphon d'énergie. Puis la quantité qu'on va perdre va dépendre de l'importance qu'on va y donner. Tout le temps. Tout le temps. Toi, tu te lances une mission sur la Terre. Mais regarde l'énergie que tu perds là-dedans, que tu n'arrives pas à comprendre. On remet tout le temps en question ce qu'on sait. Pourquoi? Parce que justement, l'énergie qu'on ramasse avec ce qu'on sait, on l'applique à vouloir nous convaincre, nous, donc défendre nos valeurs par rapport à nous-mêmes ou défendre nos valeurs par rapport à autrui. Automatiquement, tout ça, ce sont des siphons d'énergie. Les siphons d'énergie, il y en a qui sont humains. Du monde qui viennent vous siphonner votre énergie de façon humaine. Puis il y a des siphons d'énergie qui sont nous-mêmes, c'est-à-dire dans l'énergie qu'on met à défendre des valeurs sans valeur. Puis comme je le dis de temps en temps, ce qui sert à quoi, sert à quoi. Ce qui sert à rien, sert à rien. Alors ce qui fait que défendre des valeurs sans valeur, ça sert à rien. Alors on va prendre une petite pause et puis vous écrivez vos questions. Et puis après la pause, mais on continue. Ceux qui écriront des questions, s'il vous plaît, écrivez-les de façon lisible, s'il vous plaît. Avant qu'on...